Il s'agit du flow de cast. Comment ça va la fan player? Bonsoir. Merci de vous être levé au fond. C'est fou ça. C'était derrière la lumière, donc on n'a pas bien vu. On vous a juste vu vous rasseoir, ce qui était un peu bizarre. Juste. Et triste. Un peu tristoun. C'est pas grave. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. On espère que... Tu voulais dire un truc, pardon? Ouais. Ah, vas-y. Oh, j'ai plus envie. Ok. Non, mais voilà, c'est le dernier. Et c'est la fin. Bah ouais, excuse-moi. Pardon. Ouais. Voilà. Au revoir, merci. Ciao. Qui dit la dernière, c'est qu'on a prévu plein de choses. Pas tant. Le jeu du Floodcast, c'est maintenant. C'est tout de suite. Et on fait comme d'habitude. Notre premier invité. Il est comédien et auteur, mais la vérité, c'est qu'il touche à tout. Théâtre, cinéma, one-man show, émission télé, musique bientôt. Et allez, tant qu'on y est, métallurgie, concession automobile et bed and breakfast, c'est Vincent De Dienne. C'est Vincent De Dienne. Bonsoir Vincent, comment Bonsoir. Vas-tu? C'est beaucoup trop. Non. Allez, sois marrant maintenant. Vas-y, ils sont chauds. Alors, c'est l'histoire d'une pute. Bon. Je vous ai apporté un cadeau, c'est maintenant? Oh bah, je t'en supplie. C'est un pèse. Un pour deux? Ah, un pour deux. Un pour deux. Un pour deux. Ouais. C'est vite 3,80€. Ouais, c'est vrai. Redonne-le à Adrien. Voilà, je savais pas quoi vous offrir. Non, mais c'est adorable. Voilà, c'est un pèse de Schtroumpf. Ah, c'est trop gentil. Merci beaucoup. C'est une sponsor. T'es sponsorisé par Pez. Oui. Oui, voilà. Ah bah, il y en a, c'est Lacoste et moi, c'est Pez. Mais tu n'es pas le seul invité. Notre deuxième invité est comédienne. Oula, autrice et réalisatrice. On l'a vu dans la comédie, dans le drame et même dans le doublage de dessins animés. Car dernièrement, elle a doublé Bonne Mine dans Astérix. Mais par contre, elle a pas fait la voix de Ladybug. Arrêtez. C'est Géraldine Nakache. Hey, pleure. Mais c'est dimanche en plus. Oui. Normalement, on est quatre à la maison. Oui. Post-fête de la musique. Mais tu sais, là, il y a sûrement que des gros teufeurs. L'inverse, on vous connaît. Bien sûr. Alors merci. Moi aussi, je vous ai amené un petit cadeau. Oh. C'est mon propre téléphone. Ça, on n'avait pas d'autre cadeau. Bah, tu prends le pèse et... Merci Géraldine d'être là, ça fait trop plaisir. Ah, je suis trop contente. Bah écoute, toi, tu me disais pas ça. Mais non, mais je pensais qu'on était coulisses. 4 et que j'avais dit, bon, ça, on l'a fait 19 fois l'émission. Du coup, on est 6000, donc je me dis, bon, bah, il y a un intérêt aussi. Bah, ça fait trop plaisir. Alors, par contre, on va quand même faire, comme souvent, le jeu du Floodcast. Mais je crois qu'Adrien, tu as un jingle que tu as préparé. Oui, est-ce qu'il y en a par applaudissement qui étaient là quand on a fait une tournée? Alors, 614 à l'oreille. C'est ça. Bien joué, bravo. Ouais. Et donc sur la tournée, j'avais fait des génériques pour le jeu du Floodcast et il y en avait un différent à chaque date. Et Florent n'était pas au courant, c'était une surprise pour lui. Donc on a refait ça pour ces trois dates. Qu'est-ce qui m'inquiète Ouais, non mais là, rassure-toi. Okay. Tout va bien. Et en fait, je voulais vous remercier parce qu'en ce moment, c'est le Hellfest et vous avez décidé de venir ici. Et c'est normal parce que le Floodcast, c'est mieux que le Hellfest. Et J'ai des arguments en chanson générique. Oh. Le Floodcast c'est mieux que le FS parce qu'au Floodcast y'a un jeu, alors qu'au FS y'a pas de jeu, à moins qu'on considère que c'est un jeu de puits de la bite. Le Floodcast c'est mieux que le FS parce que nous on dit pas genre on est des gros nounours alors qu'on est juste des gars normaux. Vous n'êtes pas des gros nounours, vous avez juste une barbe. Le Floodcast c'est mieux que le FS parce qu'au FS tout le monde boit de l'alcool. Certains considèrent que c'est un point positif, mais pas moi, sans doute à cause de l'alcoolisme de mon père. Le Floodcast c'est mieux. mieux que Hellfest parce qu'au Hellfest ils ont les cheveux longs. C'est pas pratique, ça peut se coincer dans une porte si tu fais pas attention. Imagine comment ça doit faire mal. Bon, j'avoue, le dernier argument était pas terrible. Je pensais que j'en trouverais davantage. J'aurais dû faire une liste. J'ai manqué d'organisation. Oh. Waouh. Voilà. Ah ouais. C'est pour vous remercier d'être venu. Bah merci Adrien. Bah écoute, elle est sur Spotify, je crois. Oui, bientôt. Partout, bientôt. Bien sûr. Bientôt. Est-ce que quelqu'un a un petit paracétamol? Ça fait mal au crâne. Donc c'est le jeu du Floodcast. En Chine, pour quelle raison la chaîne de restaurants la dernière, je vais dégueuler un moment ici. Les tapis sont là pour ça. Du restaurant Edilao a dû rembourser près de 4000 clients. Effectivement, une chaîne de restaurants qui s'appelle Edilao a dû rembourser 4000 clients. À votre avis, pourquoi? Parce que. Oui. Les appartements ravioli, mais qui n'avaient pas d'appartement. Comment? Quoi? Alors, peut-être plus qu'un paracétamol, il va falloir. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais parce que. Peut-être. Ah non, c'est pas ça, je peux te... Non mais, oui. Attends. Non, elle a commencé une elle phrase. Brainstorm. Ah pardon, excusez-moi, pardon. C'est un elle brainstorm. Il y aura un COD. Préviens quand tu attends. Commences une phrase, dis alors, début de phrase. Début de phrase. Peut-être oui. Qu'il s'agit d'une une intoxication alimentaire collective. Ah, alors ce n'est pas une intoxication alimentaire d'accord. Collective. Tu peux répéter la question? Bien sûr, en Chine, pour quelle raison la chaîne de restaurants, imagine, a dû rembourser près de 4000 clients? Alors, est-ce que c'est, ils avaient fait une commande et ce qu'ils ont reçu ne correspondait pas à la commande? Non, ce n'est pas ça, c'est vraiment au sein du restaurant, c'est pas de la... Ah oui, non, c'est en cuisine. Mais 4000 clients le même soir? Non, en tout. En tout. Non. Ils ont remboursé. Sinon, beau chiffre d'affaires. Mais parce qu'il n'y avait pas une intoxication, mais il y avait des dents de lait. Qui seraient tombées dans une soupe, par exemple. Qui seraient, oui. Mais voilà. Combien de dents de lait pour 4000? 4000. Ah, 4000 dents de lait. Ah bah oui, la petite souris va être contente. Non, je me permets ce bon mot, je me permets. Oh, t'es trop con, toi. Mais... Non, mais il y avait des trucs pas comestibles dans la nourriture. Écoute, oui, très bonne. Ah, très pas bien. Comestible. Bah donc pas c'est une intoxication alimentaire. Est-ce que c'est pas forcément Et Madame Le Pen, calmez-vous, Madame Le Pen. Est-ce que il y avait dans la liste des ingrédients quelque chose et après coup ils se sont dit, c'était pas ça en fait, c'était autre chose. Alors non, ce n'est pas ça. Mais il y avait un truc dur. Non. Un truc mou. Trop mou. Pas mou non plus. Un truc flasque. Non plus. Qui leur a fait du mal? Ah, qui leur. Bah, alors pas à tous. C'est peut-être une intoxication alimentaire. Bon, donne-lui. Très bonne réponse, Géraldine Nakar. Non. C'est. Ils ont remboursé les 4000 clients au cas où. C'est pas les 4000 clients qui se sont plaints. Parce qu'ils ont fait quelque chose. Quelque chose a été fait. C'est pas eux qui ont décidé de le faire. Dans le plat, il y avait quelque chose, en gros? Ouais, exactement. Du Viagra? Non, pas du Viagra, mais s'approche. C'est médical? Un médicament. Pas un médicament. Mais il y avait quelque chose dans quelque un chose plat. Qui provoque un effet particulier du sur gingembre. Le corps. Non. Bon, du gingembre, il y en a pas mal dans la bouffe chinoise. Du gingembre dans la soupe faux. Ils doivent rembourser. Désolé, il y avait du riz. Désolé, on vous rembourse. Bah, je vais péter un câble en fait. Mais il y avait un truc dangereux. Potentiellement. Des ongles. Alors non, mais on s'approche. On est dans cette ambiance. Beaucoup de cheveux pleins. Des cuticules. Pas des cuticules. Pas des cheveux, mais on s'approche. Ah ouais. Quelque chose qui vient du corps humain. Ah oui, ça vient du corps humain. C'est le podcast, hein, donc on y va tout doucement. Crotte de nez. Ah, quoi? Oh, le ouais. Oh non, c'est chiant. Ah ouais, t'as dit j'y vais, là, genre 4000 personnes. Non, mais c'est pour évacuer le truc. Alors vas-y, vas-y. Du sperme. Oh. En vrai? C'est pas ça. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Calmez-vous. C'est pas ça. Plus jamais tu m'en fais ça. Non, mais. J'ai pas applaudi la réponse, j'ai applaudi. La ferveur de Spurbly. Ouais, mais. Au mot sperme. Ouais. Écoute. Peut-être qu'il me manquera le plan. Peut-être pas tous les jours à la salle Play, elle, ça, je me dis. Ouais. Bah, André Rieu, il y a eu ça, tout le monde était très surpris. J'aime bien que notre ref de musicien classe, c'est André Rieu, alors que vraiment. Ouais, c'est vrai, moi, j'ai Mozart, André Rieu. Il n'y a rien d'autre pour moi. Donc, ce n'est pas du sperme, enfin, on du est. Du pipi? Très bonne réponse, Adrien Méniel. Mais quoi, oui. Comment c'est possible? Quelqu'un a pissé. C'est bon là. Ouais, là c'est bon. Il y avait du pipi dans les plats, quoi. Il y avait. Bah, t'es trop mignon déjà. Et les gens demandent à être remboursés. Bizarre. Bizarre. Une vidéo virale en février 2025 a montré deux jeunes hommes urinant dans une marmite de fondue dans un restaurant. Ouais, mais là, oui. On a envie d'y pisser, hein, pardon, hein, une marmite de fondue. Ouais, non, mais oui. Excusez-moi, le geste a choqué le pays, d'autant que la chaîne a mis plusieurs semaines à réagir. Plutôt bon signe. Comme thermomètre de comment se porte le pays, que ça choque. Dans un communiqué, publié le 12 mars, Eddie Lao a présenté ses excuses, expliquant avoir pris du temps pour enquêter et identifier l'incident. L'entreprise reconnaît un manque de formation du personnel. Oui. Non mais... Ah oui, ils ont plaidé ça, ils ont dit, mais on n'est pas formés. Hein. J'ai bien identifié l'incident. Bah, c'est quelqu'un qui a pissé dans les plats, quoi. Enfin, c'est assez rapide normalement. Ils ont remboursé les 4000 derniers clients. Ouais, en fait, donc, ils savent que c'est entre le 24 février et le 8 mars, mais ça a été fait apparemment plusieurs fois. Et vu qu'ils savent, ça allait. Pas formé. Hein, ouais, mais... Ah non, trois fois, il y a du vice quand même. Donc du coup, ils se sont dit, on va rembourser tout le monde du 24 février au 8 mars et alors verser 10 fois le montant de leur addition. Ah ouais. Mais ils sont ruinés maintenant. Ça donne envie de boire de la pisse, j'ai envie de dire. Ouais. Soit plus d'1 million d'euros, ouais. Ça leur a coûté 1 million d'euros. En attendant, j'ai l'impression que ça mène à une intoxication alimentaire. Oui, pardon. Oui. Maintenant, il paraît que c'est même plutôt... Au contraire, il paraît que c'est bon, l'urine. Bah, y a plein de gens qui se soignent à l'urine. Oui. Et pour les piqûres de méduses. Oui, oui. Et non. Des gens... La grippe. Mais... Ah, le Covid. Les petites... Il sait rien. Plaies. Il sait rien. Non, il sait pas. Non. Est-ce que vous avez été adepte plus jeune ou même encore des pisser dans des bols de fondue, jamais? Ouais. Ah, j'avais mon article closer, ouais. Je suis trop dégoûté. Non, est-ce que vous étiez adepte de bonnes blagues quand vous étiez plus jeune, des petits canulars comme ça, genre, oh, j'ai envie dans de... ce style, ouais. Pas jusqu'à pisser dans une marmite de fondue, mais voilà. Si, moi j'ai passé plein de coutules anonymes. Enfin, anonymes, mais anonymes avec ma voix à des gens que je connaissais. Donc on a pas fait de coutules anonymes, mais bon. Tu veux dire un coup de fil, quoi. Allô, ouais. On criait, oui, c'est ça. Non, mais on criait, ouais. Et on raccrochait. C'était nul. Wow, c'est de l'impro pur. C'était nul. Mais t'as quel âge, ça, à peu près? Oh, 19, ouais. 25 ans. Non, mais j'en ai fait, non, entre 15 et... Hier. Personne te juge, t'as fait drôle. Il y a quelqu'un qui a fait. Ah ouais. Non, mais j'en ai fait beaucoup, beaucoup. Mais ceci dit, j'ai fait quelques recherches. Apparemment, ton père était adepte de bonnes blagues aussi. Ah ouais, oh là là, il en a fait 4000. Alors lui, c'était très particulier depuis son bureau, là où il travaillait, il faisait des blagues à des potes, mais sauf qu'il n'y avait aucun auditoire. Donc du coup, le soir, il disait, ah, j'ai fait une blague. Ou alors, c'était même pas lui qui nous le disait, c'était les gens qui avaient été piégés qui disaient, ah, oh, Marco, il nous a appelé, il nous a fait ça, ça. Oui, non, vous avez votre rendez-vous chez le dentiste. Mais j'ai jamais pris de rendez-vous chez le dentiste. attends, par contre, non, je vous permets pas, par contre. Ouais, non, pardon. C'était hilarant. Ouais, il t'appelait. Oui. Vous avez doublé les debugs, mais non. c'est un peu la même... Faut le remettre dans le contexte de l'époque aussi, ce gag. Voilà, absolument. Forcément. Non, mais j'avais lu un truc de calculatrice. Une blague de calculatrice. Ouais, je dois y aller, du coup. T'es pas obligé. Tu peux m'envoyer me faire foutre, c'est juste après j'enchaîne. Non, mais pas du tout, c'est la dernière. C'est la sonnerie de mon interphone qui sonne sur mon téléphone. Ah oui, il y a marqué doorbell. Ouais. Si elle se la raconte pas, doorbell m'appelle. Pas moi. Alors, moi, j'étais en CM2. OK. Et dans la classe de Madame Cassard, et c'était un contrôle pour utiliser la calculatrice, la Texas. Instrument. La TI-82, un truc comme ça, j'imagine. À 80, tout rond. OK. Oui. Moins bien. Non, c'est plus stylé. 82. T'es 82? Non. T'es quoi, 14? 80. 1914, 80. Mon année de naissance, Fuchsia. Ouais. 80. Bah, c'est super. Non, mais c'est super pour les gens, mais pour les calculatrices, 82. C'est... Ah, oui. La calculatrice, donc elle dit, Madame Cassard, faut sortir la copie double et la calculatrice. Et puis on sort tous une copie double, le stylo, tout ça, et la calculatrice. Et je vois que c'est qu'à la place de ma calculatrice dans mon cartable, c'est la télécommande. Et donc elle me dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et je dis, parce que c'est ma vie, que je sais très bien. Donc je dis, c'est pas moi, c'est mon père. Et évidemment, j'ai eu zéro. Oh. Elle m'a sortie et elle a convoqué mon père pour vérifier si je mentais pas. Et il lui a dit, bah oui, c'est vraiment moi. J'ai eu peur. C'était vraiment, j'ai eu peur que ton père ait menti à la Cassa et dit, mais non, alors je n'y suis alors là, pour rien. Je ne connais pas cette jeune fille, je ne l'ai jamais vue de ma vie. Non, il est même venu avec des gâteaux pour Madame Cassa en lui disant, oh, ça va, allez-y, prenez un petit gâteau. Et du coup, il a dit, mais c'est quand même marrant, la télécommande et tout. Et elle a dit, bah non. Les gâteaux étaient piégés, malheureusement. Elle m'a laissé le zéro. Une jury de... On me demande qui en rit un peu, là, Madame Cassard, j'ai l'impression. C'est ça, c'est très, Catherine très Barma. C'était Catherine Barma. Oui, exactement. Vincent, toi, petit... Un plaisantin? Est-ce qu'il y a un plaisantin derrière Vincent de Dieu? Oh, se cache un petit... Non, un petit clown mélancolique, hein, plutôt. Ah oui. Mélancomique, tu me disais, hors antenne. Non, mais j'ai fait aussi des... Mais dans la cour du collège, Victor Hugo, j'ai fait des... Dans la cabine téléphonique, là, il y avait une cabine téléphonique. Oui. Et j'ai fait des canulars aussi. J'appelais les dérangements. Il y avait marqué dérangement. C'était quoi les dérangements? Ben, on savait pas, mais il y avait marqué dérangement. D'accord. Donc on posait la question, mais parce que nous, on est dérangés, si vous voulez. Ah, on s'est, on s'est permis. Il avait déjà 89 ans au collège. Mais il y avait une plume déjà, il y avait quand même une petite plume. Ah oui, un peu mieux que faire ah, si je peux me permettre. Ah, j'ai pas d'argument. Voilà, mais ça s'est arrêté là, moi. Mais, oui, mes parents m'ont jamais humilié. Attends, par contre, je te permets pas non plus. Oui, mais non, bah, voilà. Ouais. Toi, Adrien, plaisantin? Oui. T'as foutu le feu à un gosse, c'est ça? Non, oui, j'ai dû. Ouais, mais non, pas tant en vrai. Non, pas tellement. Pas tellement. Pas tellement. Une vie triste? Pas tellement. Oui, oui, oui. Oui, voilà. Depuis l'enfance, bien sûr. Non, non, j'ai fait des coups de fil anonyme, mais je me rappelle pas, donc ça devait pas être fameux, ça devait être du genre, ah, comme ça. Bah, voilà. Tu me permets ou tu me permets pas? Oh, si, je te permets. Ok, là. Tu peux. prochaine question. Un championnat insolite, mais susceptible de plaire à Vincent De Dienne, a eu lieu le 14 juin dernier. À votre avis, lequel? Alors, puzzle? Ouais, jeu de société. Schtroumpf. Alors, on est autour, autour de jeu de société. Ah, ouais, bah, chiant. Un tournoi. Jenga. Il y a eu un léger jugement à ta droite. Ouais, ouais, ouais. Ah, je sais. Ah. Je crois. Attends, t'as dit quand? Un championnat insolite. Déjà sur un autre ton, pardon. Vraiment. C'est la dernière, je sais. Permets-moi de te tu demander. Tu vas récupérer le multiple là, mais tu te calmes. un championnat insolite, mais susceptible de plaire à Vincent De Dienne. Ah, mais t'avais pas dit la date? Si, 14 juin, c'est ça qui va tout. C'était ma question en fait. Ah, pardon. Mais je crois que je sais, donc est-ce que je me tais? Non, vas-y, c'est de source sûre. Non, je crois, était un indice pour dire que je n'étais pas sûr. C'est vrai qu'il est agressif. Mais t'as vu qu'il est sécos. C'est que. Bah, c'est non, mais que lui, Titi, pardon, ça retombe sur toi, c'est plan. Florian, j'ai. Non, mais c'est parce que t'es triste et que tu peux pas t'empêcher d'être agressif. Alors quand t'as envie d'être câliné, t'as envie d'être consolé. Alors vas-y, est-ce que je le dis ou est-ce que je laisse faire? Vas-y, il y a pas de problème. Nique pas le. En plus, c'est terrible parce que si c'est pas ça, je suis vraiment ridicule. Le championnat de Dr Maboul? Non? C'est ça. C'était du sperme. Non, très bonne réponse, Adrien Mier. Très bon. Comment tu sais? Ah oui? Quelles sont tes lectures? Non. J'ai la presse, qu'est-ce que tu veux? Je suis allé à une soirée de jeux de société récemment et on m'a parlé de ça. On m'a dit, ah bah hier c'était le championnat de Dr Maboul. Donc c'était le 15 juin ta soirée de jeux de société? Calcul mental, faut pas te faire chier. C'est étonnant. Ouais. Comment? Non, je dis c'est étonnant que vous ayez pas été ensemble. C'est dur en conjugaison ça. De fou. Que vous ayez pas été ensemble. Oh, t'emmerdes pas, Géraldine. C'est la dernière. Comme tu faisais. Alors le 14 juin, effectivement, le championnat du monde de Dr Maboul s'est tenu à Paris. Au ah, du Vagram. Monde, ça je savais pas, tu vois. Je pensais que c'était championnat de France, championnat du monde. Ouais, non, championnat du monde. Ah non, c'est pas de la merde. Attends, tu rigoles. Ouais, après les JO, une belle année quand même. Ouais. Bah, Angèle a chanté là-bas aussi, au milieu, avec Kavinsky. Cet événement rassemblant 256 participants, tous vêtus de blouses blanches, des dingos, pour une compétition sérieuse autour de ce célèbre jeu de société de l'enfance, avec 10 arbitres, des commentateurs, des lots à gagner, une cérémonie d'ouverture, donc je fais des blagues mais pas loin, et même une cellule psychologique pour les perdants précoces. Oh. Non, non. Bah, imagine, t'as fait. Alors moi j'étais comme vous. Mais imagine, t'as fait 6 heures de TGV pour jouer et dès le début. Bah tant pis, t'avais qu'à jouer mieux. Tu mérites. Bah oui, je suis. Okay. C'est le jeu. Après, c'est le jeu. Voilà. Ouais, c'est le jeu. À cheval sur les règles ici. Hein. Oui, oui, à cheval sur les règles. Mais j'ai lu un truc récemment sur le docteur Maboul qui m'a fait de la peine. Je peux vous le partager? Des gens, ils jouent. Oui. Mais non, mais le mec qui a inventé le docteur Maboul, il a été. Je sais plus son nom, je le savais, mais il a été. C'est comme la meuf qui a inventé le Monopoly, il a été ruiné. Parce qu'il a vendu sa licence à MB pour genre 300 francs. Ah. Et MB en a fait un succès international. Et lui, un jour, il a été malade, il a eu un cancer, il devait être opéré. Bah, je t'ai dit, c'était triste. Il avait une clé à molette dans l'estomac, c'est ça comme à bout. Son nez s'est allumé. Et... Il n'avait pas les moyens de payer son opération. Non. Et il a dû faire un crowdfunding. Je ne sais pas le dire ce mot, mais voilà, il a fait un crowdfunding. Et il a dit, je suis le créateur du Dr Maboul, s'il vous plaît. Non. Et là, il a eu énormément d'argent. Ah, ouais. Ça finit bien. Ah. Voilà. Mais donc, il a pu être opéré, il est décédé avant tout. Attends, mais ça a été inventé il y a très longtemps, non, le docteur Maboul? Pas tant, parce que je t'emmerde. Tu vas te calmer sur les dates, hein. Pardon, j'ai... Il est fou de dates. Avec les dates. Ah non, mais il en est fou. J'ai voulu débunker, pardon, c'est un réflexe, je suis désolé. Qu'est-ce qui fait, selon toi, Vincent, qu'un jeu de société peut être intemporel? Oh là, mais tu vas nous l'énerver, là. Mais je sais, les jeux, c'est vrai. Elle déteste les jeux et les joueurs. Ouais. Oui, oui. Non, pas les humains. Non, mais les jeux, et puis surtout là, c'est une vraie question, il va répondre premier degré, tout ça va être affreux. Qu'est-ce qui fait que selon toi, un jeu. Parce que j'ai l'impression, c'est quoi le dernier jeu vraiment intemporel? Parce que tu vois, Monopoly, je lisais. Non, j'ai un TikTok. Vraiment. Ouais, ouais. Je lisais. Il y avait. Non, mais un espèce de sondage. Je scrollais aux toilettes. Je scrollais aux chiottes, et puis d'ailleurs, je sais peut-être pas le Monopoly. Bon, bref. Il y avait le Monopoly, genre 75% des gens qui y jouent n'ont jamais lu les règles. Le jeu est tellement connu et célèbre que... Jouer. Mais d'ailleurs, quand tu lis les règles, tu t'aperçois que tu joues mal au Monopoly. Parce qu'en fait, dans les règles, pardonnez-moi, mais il est énervé. Oui, attention. Il n'y a pas, je m'arrête pile sur la case départ et j'ai 40 000 boules. Je multiplie par deux. Ouais. Non, tu touches 20 000 comme si tu passais par la case départ. Oui, ça, c'est... Oui, oui. Je suis content qu'on t'ait offert cette tribune, Vincent. C'est vraiment un tunnel, déjà. Filmez pas pour TikTok, ça. Attention, le bad buzz. Et qu'est-ce qui fait qu'un jeu est intemporel? Je sais pas. C'est quoi ton jeu préféré? C'est quoi ton jeu préféré? Mon jeu préféré, il y en a plein, mais j'aime trois bien Ark Nova. C'est un jeu où tu fais ton zoo. Vous connaissez? Vous connaissez? Oh là, c'est bien ça. Et Dune, il y a l'adaptation du film Dune Imperium. Oui. Il est super le jeu. Voilà. Il paraît. Que le film est de la merde. Ouais, bah il y a Denis Villeneuve dans le public, mon pote. Et allez, sous le nez. Une lycéenne a été acceptée en licence de psychologie, mais de façon assez surprenante, à votre avis, comment? Rien de glauque. Elle a que direct. Tu veux du sperme. Non, le mot lycéenne m'a un peu. Merci. Oui. Et oui, c'est là dévié que moi. De cette trajectoire. Ouais, tu vois. Non mais voilà, il a des pare-feux que tu n'as pas encore. De bons réflexes. Oui. Alors, elle a redit. Bien sûr, une lycéenne a été acceptée en licence de psychologie, mais de façon assez surprenante. À votre avis, comment? En faisant un burn-out. Ah, est-ce que il y avait un concours d'entrée ou pas? Pas spécialement, d'une certaine manière, mais pas un concours en salle, quoi. Un entretien? Non plus. Pas d'entretien, rien, pas de. Il y avait un concours pour entrer. Il y avait un concours? Non, pas d'un concours. Elle est encore plus perdue qu'avant d'avoir posé ma question. Comment elle peut être acceptée à quelque chose? Quand on est jeune et lycéen, il y a des façons de. Je vais vous le donner. Via Parcoursup, par exemple. Ah oui. Eh oui. Donc via Parcoursup, elle a été acceptée de façon assez surprenante. Elle a pris en otage les gens qui décidaient. Ouais, ça aurait un peu niqué l'ambiance de l'émission si j'ai pas j'ai l'impression. Non, mais elle est prise en otage. Non, mais en disant je les libère si vous me. Ah oui. Donc oui, une prise d'otage. Oui, prise d'otage. Oui, c'est la blague que t'as dit. Non, t'as confondu mais avec prise d'otage. Genre elle. Oui, non, non. Ou on menace de tuer. Non, non, c'est ça que je voulais dire. Oui, oui, bah c'est ça qui est. Ouais. C'est ça la sale ambiance. Non, j'avais ça en tête. Alors ce n'est pas ça. Non, non. C'est pas ça. Plus good vibe, je me permettrais. Ah, elle a fait une petite ruse. Elle a mis. Est-ce qu'il y a une histoire de prendre l'identité de quelqu'un d'autre? Non. Ah oui, du prof. Le problème, c'est que. Elle a dit je suis la petite fille de Freud. Non. Ils ont fait. Je ne sais pas. On l'adore. Qu'elle vienne. Le problème, je crois, c'est qu'on ne sait même pas comment marche Parcoursup. Est-ce qu'on peut quand même trouver sans savoir vraiment comment ça marche? Et justement, en fait, c'était un peu une expérience pour prouver que Parcoursup, c'est bizarre. Parcours nul plutôt. Oh waouh. Wow. Oui, bravo. Hey. Là oui. Wow. Là oui. Non. Vous les entendez trembler les puissants? Ouais. Je vais vous donner la réponse. Ouais, parce que là, on est un peu largué. C'est un truc. Non. Non, mais c'est un peu n'importe quoi, Parcoursup. Donc, on ne sait pas. Non, on ne sait pas. Si on est là, c'est qu'on n'a pas fait d'études. Est-ce qu'elle s'est inscrite à un seul truc et elle l'a eu? Non, elle s'est inscrite. Et en gros, quand tu t'inscris. Plusieurs trucs. Non, mais elle s'est inscrite, je vais te le dire, pour plein de choses différentes. Mais. Voilà. Elle. Non, quoi? Non. Tu caches derrière ton micro? Ouais. C'est bizarre. Non, et en gros, il faut donner une lettre de motivation. Ah. ChatGPT. Non. Un poème, elle a écrit un poème. Pas un poème. Juste elle a, mine vide, rien. Non, elle ça c'est quand on lui a demandé qu'est-ce que l'audace. Qu'est-ce que l'audace? C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas loin, en fait. Bah, je vais vous donner la elle raison. A écrit n'importe quoi. Je t'aime, elle a écrit je t'aime. Elle a pas écrit je t'aime, mais elle a écrit n'importe quoi. Elle a mis la recette du brownie qu'elle a copié-collé auprès. Oh, il est énervé. Ah non, non, j'ai fait. Non, c'est moi. Non, moi j'ai rien dit. Personne n'est énervé. Personne n'est énervé. Qui est énervé dans cette salle? Non, en gros, oui, elle a mis juste la recette du brownie, elle l'a envoyée à plein d'études, d'université, et au final, elle a été prise dans deux trucs, psychologie et sport. Donc la preuve que c'est de la chasse. Non, mais c'est ce qu'elle voulait prouver, voilà, tout simplement. Ah oui, bien sûr. Et donc, ça a fonctionné. Ouais, je sais pas. Chapeau à cette petite personne. Ouais. Non, mais moi, c'est un peu comme les profs qui disait, pour prouver que Wikipédia, c'est n'importe quoi, j'ai mis n'importe quoi sur Wikipédia et mes élèves l'ont recopié. Tu fais, ça ne prouve juste que t'es un con qui a mis n'importe quoi sur Wikipédia, en fait, quoi. Oui, c'est comme j'avais dit dans le podcast. Comme si tu t'imprimes une fausse encyclopédie où t'écris n'importe quoi, tu fais, les livres, c'est nul, regardez. C'est, tu vois. C'est un peu, ça prouve rien, en fait, quoi, je trouve. dans votre gueule. Oui, mais oui, non, mais... Il est en colère. Il est en colère, oui, mais... il est en colère. Pardon, je me calme, ok, pardon. Ok, j'arrête. Ah, je t'en conjure, non. Un homme de 70 ans a attaqué deux policiers qui l'ont arrêté pour non-port de la ceinture. Avec quoi les a-t-il attaqués? Une intoxication. Menteur. Ce n'est pas une intoxication alimentaire. Avec quoi il les a attaqués? Attaqués. Quelque chose qu'il avait dans sa voiture, du coup. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qu'on trouve communément, plus communément dans une voiture ou pas spécialement? Pas spécialement. Pas du... J'en sais rien, en fait. Ah, un sapin. Je peux répéter la question parce qu'il est sous la chanson, tout ça. Il a chanté, il était chanteur et là, il redevient... Discrètement, je lui ai dit, c'est quoi la question? C'est quoi la question? Yeah. Vas-y. En Espagne, un homme de 70 ans a attaqué deux policiers qui l'ont arrêté pour non-port de la ceinture. À ton avis, à quoi les ont-ils attaqués? Est-ce que c'est un truc de vieux? Non, mais genre son dentier ou... Son froc plein de pisse. Non, c'est pas ça. C'est quoi la question? J'arrive pas à me concentrer. C'est quoi? Non, si, j'ai entendu. Avec quoi? Alors, avec quoi? Une petite claque efficace? Non. Des coups de pied de karaté, non? Des coups de pied circulaires, chassé. Est-ce qu'il est resté dans la voiture pour faire ce qu'il a fait? Alors non, il en est sorti, il était chercher ce qu'il avait dans son coffre. Un nunchaku? Non, pas un nunchaku. Est-ce que c'est... Oui, j'imagine que c'est pas une arme en temps normal, non, quoi. Non, non. Non. Il a dit le, alors redis le truc qu'ils applaudissent quand tu le dis. Non. Mais dis-le, non, parce que... Non, mais dis-le, toi. Mais moi, je sais même pas comment ça se prononce. Tu sais le dire qu'en anglais. Moi, c'est... Ouais. Et c'est le même mot, en plus. Est-ce que c'est quelque chose de liquide? Bah non, mais au moins, ça élimine. Ce n'est pas liquide. Est-ce que c'est quelque chose... Ah bah oui. Ah mais ouais. Attends, bah oui. Ils sont extraordinaires. Ils applaudissent et puis ils sont déçus quand même. Non mais après Télérama dit qu'on est pipi caca quoi. Donc s'il vous plaît. Alors que vous êtes aussi vomi et foutre visiblement. Mais oui. On n'est pas que... Alors il a été cherché dans son coffre. Un objet tangible. Un livre, des livres, plein de livres. Pas des livres mais c'est quelque chose. C'est quelque chose de solide en tout cas. Et plusieurs, un truc ou un truc. Des canettes? Des canettes? Non, pas des canettes. Il y en a eu plusieurs, effectivement. Des canards? Pas des Ça ne commence pas par canard. Des connards? Pas des connards non plus. Un objet pour faire du sport? C'est lié à son métier. Il est coiffeur. Des haches? Pas des haches, mais c'est un métier, j'allais dire un métier de vieux, pas du tout. Vous allez voir le métier, c'est vraiment... Un plombier? Non. C'est un métier de service? Non. Un métier de culture, un petit peu. Mais pas culture, genre des bouquins, mais de culture. Des crayons. De la terre. Agriculteur. Non. Vigneron. Pas vigneron. De la terre. Non, pas de la terre, mais de... Bon, du terreau. Fleuriste. Terromane. Pas fleuriste, non. Non, mais c'est pas toute la terre, mais genre... Ouais, d'accord. Oui. Il nourrit les gens. J'ai pas compris. Les bouchers, les volaillers. Ah, mais de... Non, mais on s'approche. De l'engrais. Non, mais on est autour. Les insectes. Les insectes. Avec des tapettes à mouches. Des insectes. Des qui se jettent. Ouais. Qui se jettent sous forme de jet. Des étoiles de Nîmes. De l'amorce pour poisson. Mais non, qu'est-ce que... Attends, mais tu dis dans le domaine des insectes, t'as dit? Oui. Donc pas une tapette à mouche. Alors il est apiculteur. Non, c'est pas un objet. Enfin, c'est... Je te dis, c'est un truc. Vivant. Non, alors oui. C'est une tapette à mouche. Oh. Un objet. Justement, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est vivant. Je suis c'est vivant. Perdu comme jamais. C'est vivant. C'est vivant. Ah, c'est un apiculteur. Des insectes donc. C'est des guêpes. Il a acheté des scorpions. Non. Des guêpes. On s'approche. Des abeilles. Des abeilles. Des un apiculteur. Un apiculteur. Ah. Qu'est-ce qu'il leur a acheté? Du miel. Des abeilles. Des ruches. Non. Des ruches. Des essaims. Tout simplement des ruches. Tout bonne simplement réponse. Des ruches. Okay. Comment il s'est débrouillé pour acheter des ruches? Mais il les avait sur lui. Le 30 mai 2025, un apiculteur, je donne les dates. Ça te va la date? Ouais. Attends, je veux tout voir. Vas-y, continue. Oui, un apiculteur de 70 ans a attaqué deux policiers catalans avec ses abeilles. Ce qui est la meilleure phrase déjà. Initialement, arrêté pour non-port de la ceinture de sécurité, l'homme a réagi violemment après un test d'alcoolémie positif et a refusé de se soumettre à un second test de plus en plus agressif. Il a menacé les agents, leur criant, je cite, « Je vais vous tuer ». Ah. Assez agressif. Voy à Matar et Stan. Non, j'ai oublié. Non, je l'ai pas, moi non plus. J'ai oublié, ouais. Pour moi, c'est raciste, donc. Je suis espagnol, 25%, donc il n'y a aucun problème, j'ai le droit de le dire. Il a ensuite j'ai le droit ouvert... de parler espagnol, apparemment, vu que c'est raciste. Il a ensuite ouvert les ruches situées à l'arrière de son véhicule, libérant les abeilles qui ont piqué les deux policiers, les forçant à se réfugier dans un restaurant voisin jusqu'à l'arrivée des renforts. Mais c'est génial. Mais on dirait que c'est Jonathan Cohen qui a écrit cet épisode. Et c'est Donkey Kong, le mec, il jette des ruches sur des flics. Ouais. L'homme a été interpellé, placé en garde à vue, puis relâché après déposition, mais des charges ont été retenues contre lui. Les deux agents ont été soignés dans un centre de santé local avec des injections de cortisone. Bah en oui. tout cas, qui s'y frotte, s'y pique, bravo. J'ai l'impression. Ça s'applaudit. D'accord. Une pure et simple claque, ce que je viens de me prendre. Non, ouais, ouais. Masterclass pour moi. Dans le Limousin, un agriculteur a fait une étonnante découverte en s'occupant de son champ. À votre avis, qu'a-t-il découvert ? Cathy Guetta. C'est effectivement une étonnante découverte. Oui. Bah, Cathy. Il y a Cathy dans mon champ. Quelque chose qui t'a pris de la guerre. Et il est 16h. Qu'est-ce que vous foutez là ? Il est 16h, il y a Cathy Guetta. Dans le Limousin. Attends, moi la nuit, la night, comme tu vous dis. Oui, vu que t'adores ça, visiblement. Quelque chose qui daterait de la guerre ou un truc comme ça ? Non. Non, t'as dit pas Cathy Guetta. Ça va pas. Oh, wow. Oui, non, même moi, c'est... Oh. Non, là, honte. Là, normalement, tu fais... Non, mais je suis une amie. Ouais, ouais, non, je... On la coupera. Ouais, ouais. Okay. Oui, bien sûr. Ça reste entre nous. Avec 2000. Non, mais vas-y, donne donc, la réponse. Attends, de l'or, hein, de l'argent, d'un trésor. Non, c'est pas ça. T'as dit non, mais donne la réponse, donne la réponse. Non, quoi pourquoi donne la réponse non, mais donne. Il a plus bon. Envie de jouer, là, d'un coup. Non, mais donne, on va pas chercher les 2 heures. Mais ça fait une seconde. Non, mais donne la réponse. C'est bon, on va pas chercher pendant 2 heures. Ça va, Adrien? Non, mais oui. C'est juste... Vos gueules, déjà. Et t'as l'air... Je suis sorti en boîte toute la semaine, jusqu'à 7h du mat, et je suis crevé. T'es allé en boîte? Oui. Toute la semaine, là, je sors en boîte tous les soirs. Cathy Guetta. Ouais. Voilà, la night. Ça te dit quelque chose, la night ou... On va les laisser. Non, c'est très bizarre. J'ai une question pour vérifier. Est-ce que tu crois en l'astrologie ? Oui, bien sûr. Il y a des taureaux dans la salle ou quoi ? Et ouais, on est ensemble. Non. Quoi ? Mais quoi ? Quoi ? Ce n'est pas Adrien Méniel. J'ai besoin d'un exorciste. Est-ce qu'un druide ferait l'affaire ? Aïe. Bête immonde, j'étais tranquillement dans la forêt de Brocéliande en train de préparer quelques potions et tracer des cercles d'immunité sur la terre meuble quand j'ai appris, quand le vent m'a soufflé à l'oreille, qu'un combat se préparait, sale Pleyel. Qui es-tu ? Pascal Pro, la bonne idée ! C'est bien ça. Donne-moi ton vrai nom, bête immonde. Adrien. Adrien. Tu penses que j'ai peur de toi ? Tu penses que j'ai peur ? Écoute-moi bien, j'ai les poches pleines d'amulettes. 12 d'attaque et 18 en défense. J'adore la viande, c'est délicieux. Prends-toi, tout de suite, ou je vais être... Ah putain, si j'avais su que ça se finirait comme ça. Putain, le fait de la musique. Alors, rends-toi tout de suite ou je serai obligé d'utiliser la manière forte. Ah, je regrette de ne pas aller trop le fesse. Non. J'attaque. Coup d'ague. Wow. Ciao. Allez, ciao. Au revoir, Druide Marmaille. On peut l'applaudir. Wow. Wouh. Ça va ? Ça va mieux. C'est ça bien là. Ouais. Mais c'est pour ça que j'étais agressif en fait. Ah. Depuis le début. Tout était prévu en fait. Depuis 10 piges. Wow. Quelle nouvelle fonctionnalité. Oh, vache. Bah, y a pas de transition de façon à prendre. Oh non. Ah ouais. Oh, puis à nos carrières non plus. Il y aura plus rien derrière. Ouais. Tout s'arrête ce soir. Va être lancé sur Tinder prochainement. Quelle nouvelle fonctionnalité. C'est de l'IA. Non, ce n'est pas de l'IA. Mais voilà. J'ai testé. Pardon. Pas facile cette question. Vous pouvez poser des questions, je vous le rappelle. Ça a un rapport avec le cul. Ah. Druide normal. Non, pour le coup, non. C'est pour mieux se connaître. C'est un truc qui permet de connaître mieux certains aspects de l'autre. Alors, bah, c'est déjà le cas. Oui, non, mais c'est pas, par exemple, nouvelle. On peut envoyer des... Ton permis de conduire, tu peux envoyer ton permis. Bah oui, c'est ton ADN. C'est pas... Alors, non, c'est... D'une certaine manière, tu peux... Non. L'ADN. Non, oui. Je crois que tu voulais me lancer encore sur... Non. Non, ça m'écœure maintenant. C'est oui, on l'a trop entendu là, oui, ça y est. Oui, oui, mais en plus, c'était pas moi. Une pause c'était... de 15-20 piges là. En plus, c'était pas moi, c'était. L'envoûté. Non, mais je trouvais que c'était une bonne idée l'ADN. Non, c'est pas l'ADN. Non. C'est pas l'ADN. En vrai, c'est quelque chose qui littéralement va impacter la date elle-même. C'est pas sur l'appli. Enfin, c'est est-ce sur que... mais ça va impacter. Est-ce qu'ils vont avoir du personnel qui sera une tierce personne au date pour genre assurer la sécurité ou pas mal. Alors. C'est pas la sécurité. Un là, robot. Mais non, mais il y a une tierce personne qui rentre en jeu. Et qui est là pour alimenter la conversation, ouais, quoi. Comme un clown de pizza. Un médiateur. Mais de un médiateur. Pas un médiateur. Bah, il peut l'être, mais c'est plus simple que ça. En fait. Pour relancer la conversation. Ah non, quelqu'un qui vend, genre tu viens avec ton pote et tu vends ton pote. Enfin, tu dis. Ah quoi, quelle horreur d'esclavage. Non, mais non, tu le vends pas au premier degré. De l'esclavage, bravo, Gérald. 179 euros. Non, mais tu lui fais. Il est super. Ouais, voilà. Un cheerleader, quoi. Ah oui, d'accord. Il est trop bien, vraiment. Vas-y. Ça, comme ça. Bah, on est là-dessus. C'est une nouvelle fonctionnalité baptisée Double Date qui permet d'organiser des rendez-vous amoureux à 4 en formant un binôme avec un proche. Donc en fait, c'est deux amis qui font un double date, c'est genre dîner où on se connaît pas trop. Sympa, et bah, c'est bien, c'est moins intimidant. Ouais. C'est ça. Si un membre d'un binôme like une personne d'un autre duo et que l'intérêt est réciproque, une mise en relation est automatiquement effectuée entre les quatre. Les deux binômes peuvent ensuite discuter. Oui, il y aura que des partous à ce moment-là, on le sait. Ils ont mis un bon mignon, mais ça va y avoir des dérives. Tinder souhaite ainsi renouveler l'expérience de rencontre en rendant l'approche plus conviviale et rassurante. Et voilà, une partouze, c'est ça. Ouais. Ah, ouais. L'entreprise met également l'accent sur la sécurité, un petit peu quand même, un argument fort pour séduire les jeunes générations, en particulier les millennials et la Gen Z, alors qu'elle est face à une baisse d'attractivité sur un marché très concurrentiel. Quel est le rôle de vos amis dans votre vie amoureuse? Est-ce que vous les impliquez ou pas trop? Encore sur la partouze, on repart là-dessus. Donc. Ouais. Non, est-ce que vous demandez l'avis? Est-ce que vous mélangez? Il y a des gens qui, par exemple, séparent un peu les trucs. Toi, Adrien? Ma vie amoureuse. C'est pas le blanc du jaune, tu veux dire? Oui, on machine. C'est pas le blanc du jaune. Ouais, exactement. Non, mais mes amis, ils sont là. Puis s'il y a une soirée, bah, je dis bah j'ai invité mes amis. Puis sympa, on va passer une bonne soirée. Je sais pas, je comprends pas la question. C'est vrai. Non, je sais pas. Est-ce que ça te dérange pas, chérie, s'il y a mes amis qui viennent? Non, pas de problème. Et voilà quoi. Sympa. Oui, j'ai l'impression qu'on va tous sensiblement avoir la même réponse. Bah, je sais pas. Ah, moi, j'invite pas mes amis à me regarder niquer. Hein. Oh, là, tout de suite. Bah autant pour moi. Je pense. Chérie, ça t'embête pas si j'ai des copains qui. Moi, c'est sur Twitch. Ça. Voilà, je relance ma chaîne Twitch. Non, mais c'est pas mal de quand même d'écouter les avis de ses amis. Moi, j'aurais perdu moins de temps quand même. Dans ce sens-là. Voilà. Oui. Mais Vincent me remplace en septembre. Prépare-toi. Ouais, c'est lui qui. Le podcast 2. Du coup, tu es le maillon faible de l'émission, c'est ça? Oh, ça c'est joli. Je présentais le maillon faible en fait. Bon, voilà. Après, si oui, vous avez pas les rêves, ils sont moins téloches. Moins de succès. ils sont moins téloches. Ouais. Plus sperme que le maillon faible, apparemment. Ouais, bon. Oh là là. C'est incroyable. On se disait qu'on allait faire l'émission la plus beau hier, mais c'est peut-être ce soir. Hein. C'est ça, on arrive toujours. C'est toujours la prochaine en fait, la plus beauf de ce. Nouvel arc, toujours plus haut. Géraldine, tes trois films parlent d'amitié. Oui. Tu as écrit et réalisé. Est-ce que tu as déjà fait des trucs fous par amitié? Et si oui, peut-être le truc le plus fou. C'est quoi un vrai pote pour toi? Brise 3, la chanson avec Jean Dujardin. Après, c'est le Philippe Manœuvre du podcast. Hein, il se connaît très bien en musique. Les trucs les plus fous, non, mais tu dis pas, ça se dit pas. Ah non, bah peut-être dans le domaine légal, oui. C'est justement, tu fais croire que c'est pas fou ce que tu fais. Ah. Donc, tu dis pas que t'as pris un avion pour aller à Mexico, oh. Et trucs, tout ça. Ah, okay. Par amitié ou par amour, c'était la question. Amitié, c'est amitié. J'ai compris la question. Par amour, c'est tout ce que t'as su dire. James. Comment? Ah, James. Ah, ok. James. Toi, Vincent, par amitié, c'est quoi le truc le plus fou? Le plus fou que j'ai fait, c'est de, ben, un peu ça, oui. Voyager? Non, mais pour les 30 ans de mon meilleur ami, il était tout seul, il faisait le tour du monde, donc il était tout seul à Buenos Aires. Oh, super. Attends. Ouais. Mm-hmm. Et donc, j'ai pris un billet d'avion pour aller le rejoindre pour un week-end. Ah, c'est énorme. À Buenos Aires. C'est quasiment la même chose qu'elle a dit. Sauf que je suis pas monté dans l'avion. Hein? Je suis pas monté dans l'avion. C'est-à-dire? Pourquoi? J'ai fait demi-tour à Charles de Gaulle. Pourquoi? Parce que j'étais à la fin d'un film avec Julia Roberts. Ouais, je m'y suis cru. Non, mais je me suis dégonflé, quoi. Je me suis dit non. Mais t'as un ami en carton. Bah non. Oui. C'est pour ça que c'est fou au sens de malade mental. Ah ouais, d'accord. Ah oui, d'accord. C'était pas dérangé là. C'était plus une personne dérangée. Oui, attention. On parlait plus foufou. Non. plus dans l'idée de sénilité, moi. J'ai tué mon meilleur ami dans son sommeil. Bon, attention, moi, je peux être dans la team de. Moi, un mariage, s'il est en Seine-et-Marne, je n'y vais pas. C'est trop loin. C'est, voilà, je le dis. Oui, j'ai une grosse flemme, moi. Oui, mais moi, je suis un horrible ami. Donc, tu fais quoi pour tes amis? Des podcasts. Et ça s'arrête. Autant te dire. Ok, on a compris. Non, mais c'est oui, c'est, j'évite la. Mais je ne l'impose pas aux gens non plus. Je suis un ami qui ne demande pas trop, je crois. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, tu donnes peu, mais tu réclames peu. Je réclame rien. Ouais, ça, j'aime bien ça. Ouais. C'est vraiment une vision de l'existence. Ça. Voilà. J'ai l'impression que c'est pas une qualité dans ta bouche. Ouais. Ça crée énormément de solitude. Figure-toi. T'as quoi, ton grand étonnement? On parlait, oui, un petit peu d'amour. On parle de couple. Une personne âgée de 82 ans est tombée amoureuse d'un homme de 28 ans. Et leur histoire d'amour a commencé de façon assez inhabituelle, à votre avis, comment? Eh ben, en kiné respiratoire. C'est vrai que c'est insolite. Oui. Alors, ce n'est pas la bonne réponse. C'est hélas moins bien, mais... On n'a jamais entendu le mot kiné respiratoire. Oui, c'est pour ça. Ça le plaît, enfin, si, oui. André Rieu, là. On fout, on peut le dire, c'est la dernière salpillère. Hein. Si, ouais, si, si. Suite à un quiproquo. Oh, tu le dis d'une manière si douce. Je me dis. Si chantante. Ouais, je vais. Non, ce n'est pas un quiproquo. Non, mais c'est pas genre un truc de prénom, il y a une homonymie et il dit ah, je croyais rencontrer une telle et. Quiproquo, homonymie, je cale tous les trucs. Non, ah, j'essaie de rééquilibrer, j'ai dit 500 fois sperme. Non, bon, vraiment foireté là. J'aime bien que c'est... On allume le public. La lumière est faite sur le public pour applaudir. C'est vraiment... J'adore, malheureusement. Non, demain, je suis au fond du trou, donc autant que Est-ce que c'est pas une arnaque qui est devenue une histoire d'amour? Ah, waouh. C'est ça? Oh la vache. Un vendeur de flotte. Oh, le dans le mille. De dans le mille de mais le dans le mille. Oui, alors... On peut l'applaudir, contre... bien sûr. Oh. Alors, par contre... Du côté de l'arnaqueur, je pense que c'est toujours une arnaque. Par contre, ouais, à mon avis, il n'y a vraiment pas d'histoire d'amour. Ben, attends. Elle est tombée amoureuse de son brouteur. De son brouteur, c'est le terme des gens qui arnaquent. Oui, c'est... Non. Eh oui, bah Géraldine, je comprends. Vu l'ambiance du début, je comprends. Bah oui. Oui. Mais là, on parle de gens qui arnaquent, puisqu'elle pensait à la base que son amoureux était Frédéric Lopez. Oh là là. Bah c'est plus... Oui, c'est trop, plus crédible que Brad Pitt, quand même. Oui, non, oui. Qui lui proposait de la rejoindre en terre inconnue. C'est une vraie histoire. Oui, c'est vrai. C'est incroyable. Et donc, le fils de Marie-Josée, 82 ans, le nom a été changé. J'espère. Peut-être pas. Bon, donnons un autre nom. José-Marie. Ouais, José-Marie, bien joué. Oh, il est fort en impro. Et rentrée en France après avoir passé 9 mois en Côte d'Ivoire où elle avait rejoint un homme de 28 ans rencontré en ligne. Alors, à la base, elle était censée rejoindre Frédéric Lopez. Mais enfin. C'était pas lui. Il n'était pas là. Mais le gars était là, par contre. Il était à la campagne parce que c'était un dimanche. Ah, c'était un dimanche. Arrivé. Ouais, c'est ça. Voilà. Tu vois, ils sont pas très télé. On les chope pas sur les pas de télé. Ouais. Et effectivement, il avait Frédéric Lopez. Avait dit à Marie-Josée, pour me venir me voir en terre inconnue, j'aurais besoin de 100 000 euros. Oui, normal. Ouais. Bah, c'est ça qu'il faut. Donc c'est là où le fils a dit, peut-être une arnaque quand même. Et à son retour en France, les retrouvailles avec son fils se sont mal passées puisqu'elle est tombée amoureuse de son brouteur. Mais attends, mais le mec était là? Elle a vu le gars Ah oui, elle a dit, mais tu n'es pas Frédéric Lopez. Attends, mais pourquoi? Dans quel but il est venu? Elle est venue, je pense, pour qu'il continue de l'extorquer de l'argent. Enfin, c'est une arnaque qui a évolué un peu. Ok, d'accord. Après, si ça a marché. Et puis parce qu'il est tombé amoureux, les échanges. Peut-être, oui, peut-être. Vraiment, grave. Lui aussi, peut-être qu'il est tombé amoureux. Oh, il y a des chances, ouais. Qui sait, après tout. Il y a des chances. J'ai encore une question, les amis. Ouais. Oui. Une dernière, avant de passer... Avant d'accueillir Marie-Josée, je sais. Je sais. Frédéric Lopez pour dire, en fait, si, c'était moi depuis le début. Quel concept inédit a été lancé récemment dans l'Oise et qui vous propose des soirées entre 649 et 848 euros? Oui, c'est très précis déjà. Entre... Dans l'Oise. Dans l'Oise, ça ne va pas t'aider ça. Mais ça implique des... Dans l'Oise. 649 et... 848 euros. Mais ça intéresse montant ou... Non, c'est... Des soirées caviar? Non, c'est... Alors, c'est beaucoup... C'est des soirées... oui, voilà, c'est des soirées que tout le monde peut s'offrir. Si tu as le budget, bien sûr. Mais ils proposent ce service partout en France. Enfin, mais là, c'est dans l'Oise. C'est pour, tu vas... Non, lui est dans l'Oise, l'entreprise. Ouais, ouais. La SARL, si tu veux, Vincent, est dans l'Oise. Le siège social est dans l'Oise. Le siège social est dans l'Oise. Sur société.com, l'adresse est dans l'Oise. Dans l'Oise. Tu vas à l'INPI, c'est déposé là-bas. Est-ce que c'est parce qu'on va manger? On va dîner un truc cher? Alors, tu peux grignoter, mais ce n'est pas fait pour... C'est pas la première chose que tu fais dans cet endroit. Ce n'est pas pour manger. Attends, c'est un endroit? C'est, bah, c'est itinérant, mais... Oui, voilà. Voilà. Mais c'est dans l'Oise. Ah oui, mais... le siège social, le PDG est dans l'Oise. Oui. Il est basé là-bas, mais il se déplace, sans aucun problème. C'est le soir et c'est le soir. On en recherche. C'est le soir. Il y a plusieurs personnes au même moment que toi. Exact. Bah, non, c'est toi qui l'organises et tu invites qui tu veux dans cet endroit que l'on cherche. Ah, ok. Nous, on cherche l'endroit. On cherche l'endroit qui l'emmène partout, en fait. Est-ce que c'est un peu comme genre les bus discothèques ou les canons comme ça, là? On s'approche, on est dans cette ambiance. Est-ce que c'est un bus? Non. Une voiture. Pourquoi c'est si cher? C'est pas un bus. C'est une train. Ça, la longue, là. La voiture longue. Limousine. Non. La voiture longue. Knacky. Une Knacky. Un bus. Non. T'as dit que c'est un bus discothèque. C'est une discothèque. Mais. Caravane. Pas une discothèque. Caravane. Ferrari. Alors. Non. C'est pas un véhicule qu'on cherche. C'est un animal. Non. Une discothèque. Une discothèque. Jaguar. Discothèque cheval. Oui. Ah, une tiny house discothèque, genre. Enfin. On y est presque. Tiny house. Tu connais pas? Non. Tu sais, c'est les toutes petites maisons un peu au milieu de la forêt. Mais tu peux déplacer assez facilement. Mais t'as fait comme ça. C'est tout petit. Après, moi, je me suis fait peut-être arnaquer, c'était grand comme ça. Et je suis resté debout. Non, c'est... Camping-car, caravane? Non, c'est pas un truc qui se déplace. C'est... Oui, c'est itinérant, putain de merde. Mais parce que tu peux l'installer n'importe où. Voilà, gonflable, Adrien. Gonflable, là, les trucs gonflables. Ah, gonflable. Très bonne réponse de Géraldine Nakache, une discothèque gonflable. Pourquoi c'est si cher? Bah, le trajet. Bah oui, évidemment. Ouais, mais enfin... C'est itinérant, putain. Passionné de fêtes et de sons, le... Ah ouais. La night. Il se décrit comme ça, le mec. Ouais. C'est Cathy Guetta encore. Ouais, bah voilà. Bah oui, c'est itinérant, donc voilà. Il trouve cette personne. La personne, en fait, a découvert ce truc au Canada. Et donc, il l'a ramené en France. En 3 minutes, la discothèque est gonflée avec un dance floor de 27 mètres carrés, des lasers, une machine à fumer et de puissantes enceintes. La structure étanche et sécurisée peut accueillir jusqu'à 40 enceintes gonflables, déjà. Oui, je crois pas que tout soit gonflable. Je crois qu'il y a des trucs en dur. Ça me fait peur, moi, ces trucs-là. Des trucs gonflables? Bah oui, on a vu des images, là. Ah oui, moi, oui, il y a une tornade. J'ai regardé une fois, là, sur mon truc, là, des accidents. Téléphone, là. Ouais. Et là, j'ai mon algorithme qui me met que. Merci. J'ai que des accidents, là. De château gonflable? De plein de choses, la montgolfière, là, avant-hier. Ah oui. Le château gonflable qui s'envole, là. Oui, ça, je l'ai vu aussi. Voilà. Ouais. Satanés réseaux sociaux, je vais dire, ils vont nous avoir. Vous aimez quel genre de soirée, vous? Est-ce que vous êtes plutôt, Adrien, je sais, la teuf, encore une fois. Les soirées samedi soir, quelquefois, ça me déçoit. Oh, oui, c'est vrai. Bravo, ouais. Bravo. C'est vrai. Mais... Bravo, allez. Il n'y a pas un petit jingle avec la chanson ou quoi? Même ici. T'as vu où t'es? Bah justement. Tu penses que c'était prévu, cette vanne? Géraldine, quel genre de soirée? Non, moi j'aime bien chez moi, cuisine ouverte. Oui, petit comité. Tu reçois? Oui, j'aime bien. Tu aimes aller? Non. Ah, voilà. Non, mais voilà, je vois où tu veux. Non, j'aime pas aller. T'es la moins festive de nos actrices françaises. Mais j'aime la fête chez moi. Ouais, c'est vrai. Oui. Mmh. La fête à la maison, la série. La fête à la maison, la série. Dis donc, et plein de références. Ça va vite, hein. Ouais, bah écoute. Je suis encore vert. Hein. Elle est tellement généreuse, Géraldine, que quand on lui avait organisé un jour, enfin, c'était ton anniversaire organisé dans Paris, et t'avais dit. Non, je vais dans l'Oise. Je veux aller sur la structure en mousse. non, mais t'avais dit d'accord, mais on fait aussi celui de Vincent. Bah oui, parce qu'on est né le même mois, Vincent. Bah ouais, mais bon, c'est fou, et je suis pas venu. Alors, il est resté à l'aéroport. C'est affreux parce que j'avais vous savez, la plaque affreuse mais sympa quand même en sucre où il y a mal écrit ton prénom, t'arrives jamais à le lire. Ouais. Mais il y avait écrit joyeux anniversaire Vincent, non, Vincent avec un gâteau, tout ça. Il n'est pas venu. Sympa. Mais tu vois, moi je suis plutôt dans ton équipe. Là, t'appelles tous les Vincent de ton répertoire. Cassel, McDo, je sais pas. Parce que lui aussi, il aime pas aller. Ah, voilà. Oui, ben oui. Qu'on vienne. Allez, non, appelez Vincent Lagaffe pour qu'il passe. Et c'est voilà, vrai. Voilà. Vincent c'est à la maison. Et oui. Tu vois, t'aimes pas aller non plus. Hein? Non, si, moi j'aime bien, ah mais bon, j'aime bah, plus. Quoi, c'est juste Géraldine. Bah, t'en dis que t'aimes pas aller. Non, j'aime, je t'aime pas de toi. Ah, ah oui. Parce que vous vivez vraiment à 5 minutes en plus, c'est terrible. Non, non, mais j'aime de moins en moins Paris, moi, pour la fête. Ah ouais, ah. Là je mets un pavé dans la mare. Non non, mais non, pas oh du là tout. Là, mais je pense que tu vas faire la fête où? Tu fais la fête où? Je fais la fête dans l'Oise. Ah oui, évidemment. Non mais c'est pas c'est moins bien, hein, non? Non. Et donc mais, tu vas où? Mais que tu quoi? Tu dis ça, non, tu demandes ça à Adrien et moi. Je sors plus quoi, je fais chez moi, ouais, c'est vrai que je fais chez moi. Ah le monde de la night, tu nous demandes notre avis sur le monde de la night parisienne. Mais ouais, c'est sympathique, ouais. Ouais, c'est moins bien, ouais. Comme disait Adrien hors antenne, elle est morte avec Michou cette night, ouais, en fait. Ouais, voilà, elle existe plus. Non mais c'est vrai. Que nous on est passionnés de fêtes et de sons. Chers amis, quelqu'un voulait nous parler de la fin du Floodcast. Ah. Et oui. Mesdames et messieurs, faites un tonnerre d'applaudissements pour Benjamin Tranier. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bon. Il s'est élevé pour Pio Marmaille, mais bon, c'est comme ça. Arrête, vite, arrête de dire qu'est-ce que... Non, je suis allé le chercher, faut pas. C'est parti. Lumière. Nous sommes le 22 juin 2025, journée mondiale de la libération des otages. En soutien aux victimes du monde entier, Jérémy Ferrari présente ses excuses à Florent Bernard et Bérangère Krief. Il ne sait toujours pas qui est Adrien Méniel. mais si, Adrien Méniel, la seule personne qui répond vraiment quand on lui demande « Ça va, toi ?» Nous sommes donc le 22 juin 2025, il est 23h, plusieurs personnes dans les rues pleurent, Florent Bernard et Adrien Méniel. Des banderoles « Le chauve et l'hirsute sont immortels » ou encore « Je ne suis pas platiste, je ne vais pas écouter Podcastos » fleurissent dans la rue. Oh tiens, une pancarte tenue par l'humoriste Urbain. « Je vais au Hellfest tous les ans et c'est vrai que je pue de la bite. » Mais que s'est-il passé? Quelqu'un est-il mort? Pourquoi une scène de chaos pareil? Si t'as du skir au bout des doigts après un pipi, alors oui, Urbain, tu pues de la bite. Mais pour comprendre tout ça, revenons 10 ans en arrière. Nous sommes le 7 mars 2015. Florent Bernard est allongé dans son lit, dont il n'a pas changé les draps depuis l'élection de Jacques Chirac. Et Adrien Méniel est dans la salle de bain à s'appliquer un gel fixation, cheveux timides. Quand soudain, Flo vient d'avoir une idée. « Changer tes draps et aérer ta chambre ?» demande naïvement Méniel. « Non, lui répond Flo. Quelle idée loufoque. Mon idée, c'est de le plagiat des grosses têtes. Pardon. » La création du Floodcast, un podcast entre amis où on jouera à répondre à des questions d'actu. Car oui, à l'époque, il n'avait pas encore réalisé Nous les Leroy et le Floodcast était encore un jeu sur l'actu et pas encore une émission où il devait caler 8 fois qu'il avait réalisé Nous les Leroy. Mais non, tu vas en vacances à Sèche-sur-le-Loire, c'est marrant, on a réalisé une scène de Nous les Leroy à 40 km de là. Ainsi, semaine après semaine, les auditeurs s'accumulent et ils commencent étrangement à s'attacher à Flo et Adrien, car ils leur ressemblent sans leur ressembler. Car oui, qui ici voyage seul dans des routes de campagne dans un camtar de tueur en série avec un chien non genré? Qui ici a déjà eu une cabane à branlette? Mais surtout, est-ce que les auditeurs du Floodcast qui s'en branlent de la BD de Flo peuvent m'envoyer 1 €? C'est pour m'acheter un chalet. À ce moment du récit, vous vous dites « Toi, ta pipe et ta gueule de cul, je m'entends, je te crache à la gueule. Pour moi, t'es de la merde. » Le bouquin, au fait, ça, c'est très private, donc c'est bon. On l'apprend. Flo vous a déjà dit qu'il avait réalisé un film qui s'appelle « Nous les Leroy » grâce au podcast, Adrien, alias Didou la Débunk, a permis de rétablir quelques vérités. Non, il n'y a pas une rue en Espagne qui s'appelle la rue del Caca. Non, le lac d'Annecy n'a pas plus de carpes que de brochets. Et enfin, oui, l'album du duo est atroce. On devrait s'en servir pour torturer des opposants politiques. Définitivement meilleur en lustrage de sgeg de président qu'en musique, le... Alors, oui, dans le Floodcast, on bip toujours le nom des gens avec qui Flo est susceptible de travailler un jour. C'est pour ça qu'on peut y aller franco sur Gilles Alma et Arnaud Ducret. Adrien n'a pas ce problème, car si vous l'invitez à une avant-première, il préférera couper des radis pour en faire des pickles. Plutôt qu'aller à ton avant-première de merde, où, oh mon Dieu, il risque de croiser des humains qui pourraient lui filer des microbes, ou pire, oh, lui adresser la parole. Oui, Flo, on sait, le mot parole apparaît 4 fois dans ton film « Nous les Leroy ». Oh, tu peux vérifier, Didou la Débunk. Et c'est ainsi que pendant 10 ans, les deux comparses envoyèrent du sac, semaine après semaine, jusqu'à l'annonce fatidique. On déteste notre public, on veut arrêter, ont-ils dit en privé. Alors que la vérité, c'est que Florent veut se consacrer pleinement dans sa collection de t-shirts Simpson à 33 ans, et Adrien se lance dans des sauces piquantes pour chiens. Merci pour tout, messieurs. Votre duo nous manquera tous les lundis matins. Vous allez bien vous marrer là-haut avec des proches et Coluche. Merci. Merci. Bravo. Benjamin Tranier. Merci. Merci les copains. Merci beaucoup. Prends ça, Pio Marmaille. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci. Incroyable. Toujours sur MyCanal en tout cas. Alors, on va passer à un nouveau jeu, chers amis. Et oui, un jeu que je n'ai pas préparé moi, que Adrien n'a pas préparé. Et pour cela, il y a 3 personnes du public qui vont nous rejoindre. Adrien, je te laisse aller chercher. Alors effectivement, vous n'avez pas joué à un jeu que nous avons créé, pardon, puisque la personne qui a créé ce jeu l'a déjà fait dans le Floodcast. Il s'agit de Maxence. Vous pouvez l'applaudir. Ouais. Les champignons, ça va? Maxence va faire le jeu des feats qu'on avait fait. Eh oui. On va essayer. Alors, pour vous expliquer... Il y a le micro, Géraldine, fais attention à tout ce que tu dis. Oh mon Dieu. Bon. T'aimes pas les jeux de façon de nous casser les couilles. En gros, le jeu va être très simple. Maxence va nous interpréter des paroles de chansons sur une instru d'une autre chanson. Oh là là. La réponse est un mot valise ou un jeu de mots des deux artistes. Oh là là, j'adore. Attends, c'est rapidité. C'est rapidité, mais c'est moi qui dis qui a la bonne réponse et Maxence continuera, d'accord? Mais attends. Est-ce que je donne à l'oreille de mon copain celui la réponse? Celui qui l'attente. Celui qui l'attente. On fonce dessus. Il va jouer tout seul. Non, attention Adrien. Maxence, c'est quand tu veux. T'es si mignon. Magnifique, Adrien l'a trouvé très vite. La prochaine, je t'en prie, Maxence. Chaleur des îles. Mademoiselle est belle. Oh, c'est comme ça. Elle me rend tellement fragile, son sourire mon sorcelle. Juste un battement de cils. Je deviens statue de sel. Qui Joaquin V. Joaquin, oui, c'est bonne réponse, Adrien. Si je le serai avec elle, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. J'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Ou elle ne veut pas. Elle n'est pas tombée, moi. Magnifique. On passe à la prochaine chanson. Ce matin, je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Et un peu d'amour en première. Plus dur, plus dur. Et je danse, danse, danse, danse, danse, danse dans tout Paris. Je m'abandonne. Waouh, magnifique! Est-ce que dans le public, hurlez-le! Attends, Queen Dilla, j'ai entendu! Queen Dilla, Queen Dilla, c'était Queen Dilla. Queen Dilla! Queen Dilla! Ah, joli, joli, bravo! Queen Dilla, waouh! Attention, vous êtes prêts? Attention, concentrez-vous! La prochaine est coriace, hein, je vous préviens. Attention à la prochaine! Âme sensible, s'abstenir. Quand tu veux, Maxence! Béni, béni, béni, béni, on vient qu'à se cacher, soumettre, on commandera des pizzas, toi la télé, et moi, on appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose, on a qu'à dire à des amis qu'on les aime pas, et puis tant pis. Magnifique! Très rapide. Vous l'avez vu? Oui. Ah, j'ai trouvé. Il y a là des bandits qui ont des têtes de cailloux. Ceux qui ont des sentiments autant que les voyous. Attends qu'on allume un méchant boucan et que surgisse de la scène de volcan. On a tombé la chemise. Merci beaucoup. Sweet dreams, I'm bad at this. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Sweet dreams, I'm made of this. Who am I to disagree? I travel the world in the 70s. Everybody's looking for something. Some dreams are made of this. Who am I to disagree? Travel the world in the 70s. Everybody's looking for something. Je me suis fait un kiff, mais parce que je trouve qu'il passe très bien lui, donc j'avoue. Il est sublime, bravo. Eurythmique et 3D. Oh. Bravo, bravo. Merci. Bravo, bravo. Bravo, Adrien. Allez, on passe à la prochaine. Oh, métro, okay, la métro. Elle avait un t-shirt pile, elle était obligée de répondre, bien sûr. J'étais pas sûr que tout le monde ait la rêve. Mais tu peux redire. T'émimes pas la gaffe. Ah eh oui. C'est validé, Adrien. J'ai eu la gaffe tout de suite, bien sûr. Hélas. Nous, on était sur Daniel Balavoine, nous. Daniel Balagaffe, pas mal. Ouais. Tout, vous saurez tout. Pierre Perret-Charles, Vous saurez Zizi. Le vrai, le faux, le pire. Je vous dirai tout. Oh, le crooner. Oh, oh, oh. J'ai très honte. Placez-moche. Elle est jambe, le bas du dos est bien bombé. Placez-moche, bien joué. Je crois qu'elle est jambe. Bravo. Elle est jambe, tout le monde veut la gérer. Je continue ou pas? Ouais, voilà, continue. Belle et jambe. Oh, oh, oh. Non. Je viens de réaliser l'imitation merdique. On va faire pour de vrai. Si, si. Aussi, Maxence, t'as dit oui, c'est trop tard. Désolé, Chester. Pour faire une chanson facile, facile, faut d'abord des paroles débiles, débiles. Une petite mélodie qui te prend bien la tête. Une chorégraphie pour bien faire la fête. Oui, je veux bien faire la fête. Oui, faire la fête. Quand c'est là, on se rassemble à 5 à 6 ou 7. On rassemble à 5 ou à 7. À 5 à 6 ou à 7. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines. J'viens du 7-6, du fun, du vice, représente le havre avec mon Nirvana complice. Tu ferais comme les fruits de mer, tu sais c'est qui, James Brown, mon père. Get up, stand up, bouge de fond. Get up, stand up, bouge de fond. Get up, stand up, bouge de fond. Get up. C'est la puissance du port du Havre. C'est la culture de la betterave. Du Calvados pour les femmes. Son nom c'est Alphonse. Alphonse Brown. Bravo. C'est pas grave. T'aimes plus, elle m'a dit ça hier. Entre le pété dans l'air comme un vieux coup de tonnerre. Je crois que je ne t'aime plus. Je te regarde, je ne vois rien. Tes pas ne laissent plus de traces à côté de mien. Je ne t'en veux pas, je ne t'en veux plus. Je n'ai juste plein d'incendies au fond du ventre et c'est comme ça. La la la, la la la la la la la la. Elle m'a dit la la la. Cali Minogue. Oui. La la la la. Cali Minogue. La, la, la. Oh, bien joué. Cali Minogue. Cali Minogue. Cali. Ah, joli. Très joli. Bravo. Je t'invite. On fait peut-être la dernière, Maxence. Allez. Tu es chaud. Allez, c'est parti. Géraldine triche. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique. Voleur d'en fort au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes. J'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né à la station balai. Tu t'es pas fait prier. j'ai trempé. Ah, c'est la musique. Ah, c'est pas la musique. Ça, le Playel, je vous sens pas chaud là. Ça tape des mains gentiment. C'est la dernière du Floodcast ce soir. Ça se met debout là. Je veux vous voir sauter. Je m'en lave les mains. La nuit, je m'en. Merci la CPI, merci le podcast. Salut Max. Bravo. Bravo. Ah. Oh là là, je l'ai sur le bout de la langue, c'est horrible. Vous l'avez pas? Oh, j'ai pas fait la fête comme ça depuis des années. Non, vous l'aviez ou pas celui-là? Non, non, on avait Bassou. Non, mais... la musique. Hein? Non, la musique c'est quoi? Attends, pardon. T'as dit quoi? Mais il y a ni l'un ni l'autre. Ah, c'est Cascade Alain Bashung. Non, c'est Alain Bassunter. Quoi? Ah oui, ah waouh. Ah oui, Bassunter. Eh oui. Eh bah oui, bah. C'est pas moi qui a chanté, Géraldine. Excuse-moi. C'était super. C'était incroyable. On peut pas parler dans Maxence. C'est pas facile en plus parce que on est un peu en retard sur le conducteur et je l'ai un peu enchaîné. Je suis désolé, Maxence. Je t'aime très fort. Non, très bien. Merci beaucoup. Oui, on arrive tout doucement à la fin du Floodcast. Mais Adrien. Oui, alors. Eh ben oui, mais je suis désolé. Avant de finir, oui, il y a un auditeur de longue date. Ouais. Qui voulait nous rendre hommage. Et je vous demande de faire un triomphe à Pierre Ninet, s'il vous plaît. Première vanne avec ça, je sais pas. Tu me diras plus tard. Tu t'es brûlé ? Sur 10. Je me suis fait hyper mal à la main avec cette blague. C'est très chaud cette merde en fait. Bon. Oui, j'ai la ref. J'ai la ref. Je vois par rapport à la série. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Écoutez, comme certains le savent, peut-être je suis un auditeur assidu du Floodcast. Ce soir, je voulais tout simplement vous rendre un petit hommage, les gars. Venir vous dire que c'est la fin, comme vous le savez peut-être. Ouais. Et voilà, juste rendre un hommage à ce podcast merveilleux, à vous, au travail que vous avez fait, sincèrement, depuis 10 ans. Merci. Bravo, on peut les applaudir. Bravo les gars. Merci. Et je me suis permis d'écrire un petit truc, c'est personnel, et pour vous rendre hommage, je me suis aussi permis de donner ma petite clé USB à la régie, si vous pouvez lancer juste l'image pour qu'on ait l'image, voilà. Flo, Adrien... Oh là là, pas du tout la bonne image. Oh là là, attendez. Non. Oh là là, c'est moi avec mon âne. Bon, rien à voir, pardon. Pardon, j'adopte des animaux, donc c'est vrai que... Ouais. C'est pas à propos de moi, mais là, il est très mignon. Ouais. Il est très mignon. Ouais. Non, c'est pas la bonne image. Après, c'est vrai que... Juste petite anecdote, du coup, en passant, mais... Petite âne, très mignon, que j'ai récupéré et j'essaie de donner une vie meilleure à des animaux qui n'ont pas forcément eu la chance. Ouais. J'ai récupéré deux autres ânes au passage pour pas qu'ils se sentent seuls. Enfin, c'est une... Mais rien à voir, pardon, rien à voir. Ouais. Ok, pas la bonne image, autre image pour l'hommage, merci beaucoup. Alors, Adrien, Flo... Oh là là, non. Oh là là. Oh, la honte. Non. Oh, ah ouais. Non, la honte. Pas du tout la bonne image. Ouais. C'est moi avec 10 kilos de muscles en plus pour sommer ou périr, hein, qui était sorti en 2019. On avait fait 1 million d'entrées. Pardon, mauvaise image. Oh là là là. Oui, ça n'a rien à voir. La régie, putain. Allez. Non, la régie, ça va pas la tête ou quoi? Non. Pas du tout. S'il vous plaît, envoyez la bonne image. Ils vont commencer à croire que c'est pour de... La bonne image. Ah ben là, ça n'a carrément plus aucun sens. C'est ça... Un numéro, je sais même pas ce que c'est ce numéro. Ouais. Mon numéro de carte bleue, j'espère pas. Non, qu'est-ce que c'est que ce chiffre-là? C'est très... Ah! Oh non! Vous êtes des... C'est vous qui avez... Vous êtes des connards. Vous êtes des connards. Non, tu m'étonnes que pas je ne comprenais pas le numéro. C'est rarissime, un chiffre comme ça. C'est pas tous les mercredis, putain. Ah non, ouais. Mais d'accord. Ah oui, tu m'étonnes que j'étais perdu. 9 429 239 entrées. Pierre Ninet exceptionnel en acteur caméléon. Le Parisien. Ah là là là là. Non mais là-haut, je sais plus où me foutre là. Je suis... carrément. Ok. Non non. Et pardon, pardon, excusez-moi, je sais pas comment on est arrivé à faire de la merde comme ça. Là, s'il vous plaît, le bon fichier, c'est le premier fichier que j'avais mis. Vraiment, le premier fichier, si on peut l'envoyer, merci beaucoup pour l'hommage au garçon. Ah. Non. Mais non. Mais non, putain, non. On peut non, couper ce que veut, on peut couper, non. Non, bah laisse pour le contexte maintenant. Peut-être, Pierre Ninet dans Yves Saint Laurent. Dans le duel de Saint Laurent, qui ont donc Gaspard Huliel, il avait déjà été nommé. Arrêtez! Honnêtement, j'ai... C'est... T'as dit quoi, Adrien? Quoi? Non, non, rien, j'ai rien dit, non? Tu dis... Là, j'ai cru que tu me charriais parce que j'ai l'air très jeune, c'est parce que j'étais le plus jeune césarisé. Ouais, ok, d'accord. De l'histoire des Césars, donc je pensais que t'avais. Non, non, j'avais rien dit. Choc, il me dit, mais t'es un bébé, j'ai dit, bah. C'était tôt, mais c'était méritant. Des gens disaient, c'était mérité. Ouais. Bon, du coup, c'est pas ça, moi quoi. Qui fait les votes non plus, donc, mais j'imagine que c'était mérité. Du coup, on peut peut-être enchaîner, du coup? Sur. Je sais pas. Non, mais c'est pas. Pardon. Sur. Après. Dans mon souvenir, le discours, il y avait deux moments émouvants. Mais du coup, ouais. On n'a pas le temps en fait là. Ouais. Faudra qu'on. Ah, en timing. Ouais. Ok. Bah, coupe. C'est pas grave. Ok, pas grave. Désolé pour ça. Hein. Excusez-moi. J'avoue que là, le truc de. Tu sais quoi, je vais faire sans fichier. En plus, c'était le logo du Floodcast aussi, le fichier. Ouais. Donc. Ouais. C'était juste. Je me rends compte que ça servait. Ah ouais. Presque à rien. Ah, c'est juste le logo que tu as. C'était le logo, mais un peu plus. Saturé. Un peu plus saturé. Oui. Ouais, d'accord. Okay. Un blanc plus saturé, péchu, quoi. Voilà. Juste plus péchu. Je l'avais vu. Ouais. J'ai écrit autre chose que je voudrais vous dire ce soir, quand même. Au-delà de la déconne, un peu plus sérieusement. Ce soir, c'est la fin d'une ère. Je me suis rendu compte de ça. Ça fait des années que j'écoute le Floodcast. Sincèrement, c'est la fin d'une ira, comme pourrait dire Adrien. De votre ira, les garçons. Certains sont dans leur ira self-care, audace, reconstruction. Vous, c'est 10 ans d'ère de sperme nazi caca, docteur Guigui. Bravo à vous. Bravo à vos proches. Bravo à votre descendance, qui est très mignonne et qui est en coulisses. En vrai, ça fait 6 ans que j'écoute religieusement chaque épisode du Floodcast. Et je sais que comme beaucoup de monde ce soir, je suis un peu triste. Honnêtement. Apparemment non. Apparemment non. Oui, évidemment. Mais non, sincèrement, j'étais très triste. Quand j'ai appris la nouvelle, ça m'a mis un coup, quoi. On m'a dit ça et j'ai eu un petit truc et je pense qu'on est beaucoup à se reconnaître. Et comme vous êtes humble et pudique, vous ne versez pas trop dans l'émotion, mais on le fera pour vous à partir de maintenant et jusqu'à la fin de nos jours. vous avez été des compagnons de route pour moi, à mon travail, dans ma voiture, chez moi, des sujets de débrief interminables avec des potes suite à tel ou tel épisode, suite à tel ou tel sujet plus profond dont vous avez parlé. Et même un réconfort vraiment précieux quand ça n'allait pas, personnellement. Et j'imagine bien que je ne suis pas le seul et ça me réconforte encore davantage de savoir qu'on était possible dans le milieu. Je crois que c'est ça la force d'un truc sympa et intelligent, je pense, c'est que c'est un refuge, mais c'est pas forcément un refuge en impasse, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui vous donnerait juste envie de consommer la même chose encore et encore, c'est un refuge ici qui nous a donné envie de sortir, de suivre des recos, de voir des films, d'écouter d'autres podcasts, de lire des bouquins et surtout de jouer au jeu Balatro. Je plaisante, bien sûr. Personne. Je t'adore. Alors ouais, le Floodcast aujourd'hui ferme ses portes, mais heureusement, nous avons devant nous un horizon commun qui nous ouvre ses bras. Grand ouvert, même j'ai envie de dire, et ça, c'est les DM Insta d'Adrien Méniel. On va pouvoir passer encore des heures et lui écrire « N'hésitez surtout pas ». Et ce, pendant des années. En vrai, merci à vous deux. Les gars, vraiment, vous avez su être drôles, spontanés, humbles et mettre toujours vos invités à l'aise d'où qu'ils viennent, les mettre en valeur aussi à chaque fois. Bravo pour ça. Ce soir, on dit un dernier adieu à Yves Montand, à Julien Clerc, au père Rasta de Florent, à Mitterrand, au Lynx, au Druide. Et aux pirates, vous serez toujours dans nos cœurs, vous allez nous manquer. À la prochaine, les gars. Merci beaucoup. Merci. Bah trop bien. Il a failli m'avoir. Il a failli m'avoir. Il a failli m'avoir. Il était en bois, hein. Moi il m'a eu une minute une. Ah ouais. Ah oui. Quand il était torse nu là. À ce moment là sauver ou périr, c'est ça. Bah chers amis, ça y est, c'est bientôt la fin du podcast. Avant de vous quitter, dernier tour de table, Vincent, j'ai cru voir, mais je sais pas si c'est officiel. Tu fais de la musique bientôt ? Non. Mais si ! Oui, mais on en a rien à foutre, là. D'accord, ok. Tu penses que je vais faire ma promo, là ? Mais oui. Oh, on fait pas de promo, là ? On fait pas ? Mais c'est hors de question. Eh ben, c'est d'accord. Vous le seul... C'est trop gentil, merci beaucoup. Le seul intérêt, c'est vous et tout ce que vient de dire Pierre. Ah, merci. Bah, c'est trop gentil. Vous me ferez pas chialer, Eh ben, c'était le Floodcast. Merci, au revoir. Merci, ciao, bye. Merci beaucoup. Au revoir. Dans les océans du podcast, on peut trouver toutes sortes de pirates. Le chauve, l'hirsute, à bord de leur galion Floodcast, ont parcouru bien des mers pendant 10 ans. Et ce soir, salle Pléienne, il s'apprête à lever l'ancre une toute dernière fois pour rejoindre l'horizon. Et parmi tous les trésors que ces deux flibustiers laissent derrière eux, ils ont tenu à nous offrir une chanson. Chanson qui raconte toutes les aventures qu'ils ont vécues. Chanson pour vous dire au revoir, leur chant du cygne, ou plutôt leur chant du lynx. Les micros du Floodcast vont être débranchés. La mer dans la carafe va pouvoir enfin sécher. Le monde du podcast va peut-être pas s'en relever. Désolé de vous laisser avec l'animateur de... Des actus insolites que Florent a volées à des journaux locaux sans jamais les vérifier. Des cadavres déterrés de chanteurs de présidents afin de les imiter, souvent mal, évidemment. Il veut mon tour mal fait. Floodcast a dit, très cher compagnon, ne pleurons pas cette disparition. Levons nos verres et ensemble chantons. C'est toujours un spectacle de toute façon. Un vampire mexicain, le Joker qui rigole, le Big Deal, le Puy du Fou et ce bon vieux Crazy Frog. La naissance de Johan, ouais. Et l'adoption de Franky. Aussi. Un ophtalmo dangereux qui s'appelle Docteur Didi. Des invités rigolos et d'horribles jeux de mots. Un peu de dépression et des pas dans un micro. La réponse c'est du sperme. Comme à l'accoutumée, et je veux donner la réponse. Mais non, on va trouver. Salon. Le micro qui sature à chaque rire de Florent. Méniel explique Balatron et le pape reste au Vatican. Au lieu d'aller à Kiev et de tuer moi. Floc à ta vie, très cher compagnon, ne pleurons pas cette disparition. Levons nos verres et ensemble chantons. C'est toujours un spectacle de toute façon. Tout le monde, hey. Claude Castaldi, très cher compagnon, ne pleurons pas cette disparition. Levons nos verres et ensemble chantons. C'est toujours un spectacle de toute façon. Pléiel, yeah, okay, wow. Pléiel, ça va? Ouais. Est-ce que ça vous dit que je vous fasse un morceau exclusif que j'ai jamais fait? Non, qui est probablement mon meilleur. Non. Bah, mais attends, c'est pas ta soirée en fait. Est-ce c'est que pas nous, prévu en fait. Déjà, t'as pas dit bonjour et nous, on va pas chez toi pour chanter des trucs de Floodcast, tu vois. On parle pas de merde dans tes concerts en fait. Ah merde, c'est. Enfin, vous avez décidé d'être deux gros ringards. C'est quoi là-bas? Vous avez décidé d'être deux gros ringards et ben vous savez quoi? On envoie du sax. Ne pleurons pas cette disparition. Levons nos verres et ensemble chantons. C'est toujours un spectacle de toute façon. Flotcast a dit, très cher compagnon, ne pleurons pas cette disparition. Le monde en rêve et ensemble chantons, c'est toujours un spectacle de toute façon. Oh, bravo. Allez, allez, allez, allez, allez, allez, venez, venez, venez, venez, venez, venez. Bravo. Allez. Merci à allez, tous. Allez. Wouh. Alors, merci beaucoup. Bravo. Allez, on bravo fait un salut. On fait un salut. J'en ai rien à foutre. Allez. Allez, 3, 2, 1, allez, salut. Merci à tous, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, je voulais quand même remercier tous les gens qui ont travaillé. Déjà, merci à tous les gens qui sont venus. Merci. Merci à une folle qui a produit, Clara, Valentine, Blanche, Olga, Charlie, Marie, Kenatan et Kim. Faites du bruit, s'il vous plaît. Paul, Raphaël, Bertrand et Adrien, Mylène à la lumière. Charles, Bastien, Julie et Johan au son. Il y a toutes les codes, la déco, c'est triple D. Faites du bruit pour triple D. C'était dans mon garage pendant 2 ans, ce truc. C'est Théo qui a fait la musique. Merci aux sax, Rose, Stéphane et Alan, merci, bravo à eux. Ils sont venus les 3 soirs. Toute l'équipe qui a bossé sur le tournage du court-métrage du début. Carence, Arthur, Hichem, Maïcha, Quentin, Madros et Potatoes qui ont monté le court-métrage. Et merci aux acteurs, évidemment. Patrick, Enya, Paul, Léopold, Meham, Eddy. Je m'en fous, on a bossé. Guérin, Lucien, JB, Pierre, Nicolas, Justine. Faites du bruit pour nos premières parties à Kim et Urbain. Ouais. Les équipes de la salle Playel. Et merci à vous, bien sûr. Allez, allez, allez. Après, ouais, c'est fini. Après, c'est fini. Ouais. Allez. Non, merci beaucoup. Merci encore une fois à tous les invités qui sont venus. On a 1h10 de retard sur le planning. C'est une cata. C'était temps qu'on arrête. Merci beaucoup. Le perroquet fait la gueule. C'est une catastrophe. Merci à tous. Écoutez, tu veux dire un petit truc peut-être? C'est la fin de 10 ans quand même. Non, bah écoutez, merci. Merci d'avoir été là pendant 10 ans. Merci d'avoir été là ce soir. Depuis tout ce temps, on aurait jamais cru se retrouver dans un contexte pareil quand on a commencé. Ça n'a toujours aucun sens pour nous. C'est de pire en pire même, en vrai. Comment? Oui, oui. Et vraiment, voilà, se retrouver avec tous ces gens qu'on aime, qui ont répondu présents. Tu veux que je pleure, en fait, c'est ça le truc. Après, pour relever un peu l'ambiance, on est en costume de pirate devant, ouais, ces gens. Ouais, ouais, mais... Voilà. C'est malheureusement mon kink. Je suis en full érection. C'est faux. Les yeux, c'est là. Aïe, aïe, aïe, TikTok. TikTok. Non, TikTok. Même le sketch d'intro, tous les gens qui nous ont fait confiance, qui sont venus parce qu'ils nous aiment bien, et c'est très touchant. Et vous aussi, vous êtes venus pour ça. C'est très, très touchant pour nous tous. Ouais. Et voilà, on s'arrête en beauté grâce à vous, grâce à tout le monde. Et voilà, merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup. Je voulais aussi dire un petit truc. Je voulais, il a remercié toutes les personnes que je voulais remercier. Je voulais aussi remercier Adrien de m'avoir accompagné pendant 10 ans sur tout ça. Vraiment. J'ai pas fait grand chose dans ma vie qui a duré 10 ans. Ma meuf et Adrien, pour tout vous dire. Donc voilà, non, merci beaucoup Adrien pour tout ce que t'as donné à ce podcast et tout. Beaucoup de rire, j'ai des beaux moments. On va pas faire 1000 ans, hein. En plus il y a beaucoup de gens en carafe derrière moi. Mais merci beaucoup. En carafe, avec de la merde dedans sûrement. Si, c'était drôle, c'est drôle. Demain je suis en dépression, putain. Merci. Non, merci beaucoup, vraiment, merci à tous, c'était extraordinaire, c'était magnifique, et merci d'avoir été là pendant 10 ans, j'espère que vous serez ailleurs les 10 prochaines années, et prenez soin de vous, et je voulais finir sur un dernier mot. Sperme. Au revoir. Bon anniversaire, Déborah. quand je voyais la vie uniquement noir et blanc. Quand je la vois plus du tout, c'est quand même un peu gênant. Je suis venue te voir pour une légère myopie. Je t'ai demandé ton nom et tu m'as dit docteur Guigui. Une heure et demie de retard, pas le temps de me laver les mains. Je suis peut-être pas opticien, mais avec toi je serai au petit soin. C'est vrai que j'ai pas de diplôme, mais je veux qu'on ouvre mon cœur de pierre. Et encore désolé pour l'or, je l'ai sous la paupière. L'amour rentre avec, c'est ce qu'on m'a dit. C'est vrai que je vois plus grâce au docteur Guigui. 0 étoile sur les avis Google. Et grâce à toi, enfin, je me sens moins seul. Depuis que je l'ai rencontré, c'est impossible de pleurer. Mes glandes lacrymales sont toutes les deux bousillées. Pourtant, il y a cette info qui m'a un peu attristée. Au revoir le Floodcast. Vous nous manquerez. Clara Luciani et Vincent De Dienne. Bravo. Merci à tous. Il s'agissait du Floodcast. Pardon.